Chapitre 294. L'interdiction pour l'homme et la femme de se teindre les cheveux en noir. 1637. Jabir rapporte qu'Abu Quhafa, le père d'Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhum, fut présenté au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, le jour de la conquête de la Mecque, alors que ses cheveux et sa barbe étaient blancs comme neige. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wasallam, dit « Changez cela, c'est-à-dire teignez-le, mais évitez la teinture noire. » Muslim.